y est, c'est l'heure des bonnets rouges. Comme tous les vendredis soirs, entre 22 et 23h après Sky Ponka, je vous l'ai dit, les bonnets rouges, c'est maintenant. You're not- C'était Resaca Sonora avec un morceau issu de leur album Buenaventura et intitulé Era Digital. Et juste avant, c'était Ferguson avec le groupe, avec le morceau pardon, Claramente. Et notre ami métalleux qui est ici présent est en train de faire une remarque. Il n'était pas très heureux là. Mmh. Ouais. On dirait quand même vachement du Sepultura. C'est un peu son point de vue. Enfin, moi j'aime bien cette version là, pareil. Et le, et le prochain morceau sera tout simplement issu du dernier album des Planet Smasher, intitulé Mixed Messages, et le morceau sera tout simplement intitulé, tiens, Scientific Explanation. Ouais, on a du monde ce soir dans les studios, et juste après ce morceau-là, on écoutera un autre morceau des Planet Smasher avec le titre If I Can Get It On My... Hop là, Aoun, pardon. Et c'était issu de leur album The Descent Into The Valley Of The Planet Smasher, et ce sera suivi après par Danny Rebel and The Kid GB et le morceau Madman issu de leur album Blast Off. Allez, The Planet Smasher avec les 20 ans d'anniversaire du Stomp Records, ça aura lieu la semaine prochaine au Club Soda à Montréal. Donc ne ratez pas cet événement important, parce que les 20 ans du Stomp, ça arrivera pas tous les ans. C'est cette année et c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, l'affiche sera très belle. Hein. Les Planet Smasher, Danny Rebel and the Kid GB et The Beatdown notamment qui seront là. Et Sub. Et Sub. Allez, place à la musique. Scientific Explanation des Planet Smasher. stomp it down with my big sledgehammer. It's getting out of control, I'm wailing out of control, because the war with Johnny making me lose my mind. But it gets me through the hard times. You better keep your distance, I am a madman. Don't even know what's going through my head. Yeah, yeah. You better keep your distance, I am a madman. Sanity is written in his eyes. Yes, I got a big fist, stronger than you know. Yes, I got a big axe, wailing out of control, wailing out of control. Swing away with Mr. Jameson, making me go insane. Gently sliced away a part of my brain. Yeah, yeah. You better keep your distance, I am a madman. Don't even know what's going through my head. Yeah, yeah. You better keep your distance, I am a madman. Insanity's written in his eyes. Like Norman Bates. When my back is turned, you gotta learn to say it to my face. Swinging this baseball bat out of control. My only fuel is alcohol. Yeah, yeah. You better keep your distance, I am a madman. Don't even know what's going through my head. You better keep your distance, I am a madman. Insanity is written in his eyes. Thank you. talk to me. You never look at me. You never talk to me. Please look at me. Écoutez Sweet Baby de The Beatdown, issu de leur dernier album The Beatdowns meets Hugo Moody. C'était sorti cette année, il y a peu, chez Stomp Records, comme l'album Blast Off de Danny Rebel and the Kid GB, dont on s'est écouté le morceau Madman précédemment, et les deux morceaux des Planet Smasher, Scientific Explanation, suivi de If I Can Get It on My Own. Et rappelez-vous que ces trois groupes-là sont avec The Sub. Vendredi soir prochain, pardon, avec ça, oui. Vendredi soir prochain au Club Soda à Montréal pour les 20 ans de Stomp Records. Je vous invite à y être parce que ce sera, à mon avis, une excellente soirée. Et pour poursuivre dans les bonnets rouges, on va s'écouter Los Tres Puntos avec le morceau Capture d'écran, ici de leur dernière Extended Play, sorti il y a peu et intitulé Contre vents et marées. Et ce sera suivi d'un morceau qui date un petit peu de Talco, issu de leur album Tutti a Solti, sorti en 2004, Partigiano. Los Tres Puntos. Temps et qui perdent leur vie derrière un écran. e si sottometterà alle ingiustizie della storia, inseguendo l'orizzonte della rossa libertà. Non dimenticare mai di coraggio e l'umiltà di chi sangue sversò per la nostra libertà. Non dimenticare mai chi si è alzato per gridare, morto per un sogno che in noi non si spegnerà. Thank you. vient de s'écouter The Brains avec le morceau The Monster Within, issu de l'album du même nom. Et juste avant, c'était Bitter Shame des Reagan Cowboy, morceau issu de leur album It's Are Gonna Roll. Et on va continuer avec deux groupes qui seront en spectacle dans deux semaines au Trou du Diable, à la Chope du Trou du Diable, avec les Devil's Hot Rod et les Gutter Demons. On va commencer avec le morceau Wild Wild Mommy des Devil's Hot Rod, issu de leur album Dirty Rock for Broken Hearts, suivi de Anton Lake, issu de l'album Hunter the Demons des Gutter Demons. Et le bloc sera terminé avec Runaway Loco. Toujours un morceau des Gutter Demons. Allez, Wild Wild Mommy des Devil's Hot Rod. Yeah. talking and wondering, yeah. Ask me what I was going to do. On vient de s'écouter deux morceaux des Gutter Demons avec Runaway Loco qui vient de se terminer. C'était précédé de Haunted Lake et le bloc était débuté avec les Devils at Rogue et le morceau Wild Wild Mommy. Deux groupes qui seront en show le 30 octobre à la Shop du Trou du Diable et je vous invite à y aller en grand nombre. Ce sera une très belle soirée et on va continuer avec les Bananes Métalliques, donc je vous ai déjà passé quelques morceaux issus de leur dernier album, Extended Play, j'ai envie de dire, The Godfather. Et là, on va s'en écouter deux nouveaux morceaux, The Funeral March et Poupée de sang. Allez, c'est sorti il y a peu, et c'est pour les bonnets rouges. On y marche à deux pères, nous sous un maître d'homme, dont les rythmes funèbres assassinent nos rêves. À ce marché des sucres, on se retrouve à terre. À ce marché des dupes, à ce marché des sucres, la vie est un enfer. À ce marché des dupes. c'était deux morceaux issus du dernier album The Godfather des Bananes Métalliques avec Poupée de Sang précédé de la Funeral March. Et avant de se quitter, il va nous rester deux morceaux, les deux derniers morceaux de l'édition du 16 octobre 2015 des Bonnets Rouges. Mais avant ça, je dois quand même vous dire et vous rappeler, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission des Bonnets Rouges, puisque je vous invite à aller voir les 20 ans du Stomp Records. Des Stomp Records, pardon, à Montréal, au Club Soda, avec The Beatdown, Sub, Danny Rubble and the Kid JB et les Planet Smasher. Donc, y étant, je ne pourrai point assurer l'émission. Et dans deux semaines non plus, étant donné que je serai également présent au concert des Gutter Demons et des Devil's Hot Rod à la Shop du Trou du Diable. Donc, je vous invite aussi à vous y rendre. Ce sera deux très bonnes soirées, mais... Avant de se quitter et de vous dire à dans trois semaines, on va s'écouter deux morceaux. Moi, j'irai pas des Sales Majestés, s'il y aura un dernier album, ni Dieu ni Maître, sorti cet été. Et un peu plus vieux morceau, des Vaches Laitières, issu de leur album On n'est pas des Moutons, et le morceau Le Chant des Pigeons. J'espère que vous n'en êtes pas en cette période, j'ai envie de dire, assez agitée du côté politique. Allez, à dans trois semaines. Ça y est, c'est décidé, faut aller faire la guerre, faut aller au Vietnam, les casser au Naval. Et si on n'y va pas, oui, les rouges vont gagner, faut aller les flanquer au nom des libertés. Oui, mais moi j'irai pas, pour rien faire ces gens-là, oui, mais moi j'irai pas. Oh, oui, mais moi j'irai pas, pour rien faire ces gens-là, oui, mais moi j'irai pas. Oh, ça y est, c'est décidé, faut aller faire la guerre, il paraît qu'en Irak, ils ont l'armée claire. Le travail, oui, faut flinguer sa dame. En plus, y'a du pétrole, on touchera le pactole. Oui, mais moi j'irai pas. Pour rien faire ces gens-là, oui, mais moi j'irai pas. Oh, oui, mais moi j'irai pas. Pour rien faire ces gens-là, oui, mais moi j'irai pas. Oh, ça y est, c'est des. Faut aller faire la guerre, et oui cette fois c'est sûr, ce sera la guerre des terres. On pourrait s'arranger, mais les guerres ça rapporte. Oui, on marche au canon qui gouverne les nations. Oui, mais moi j'irai pas, pour rien faire ces gens-là. Oui, mais moi j'irai pas. Oh, oui, mais moi j'irai pas, pour rien faire ces gens-là. Oui, mais moi j'irai pas. Oh, j'suis pas un déserteur, mais j'serai pas un tueur. J'irai pas faire la guerre à l'autre bout de la terre. Moi je vois pas pourquoi, oui moi j'irai là-bas. Là-bas c'est pas chez moi, bon rien fait ces gens-là. Oh non, moi j'irai pas. Oh, là-bas c'est pas chez moi. Oh, non, non, moi j'irai pas. Oh, bon rien fait ces gens-là. Bye. demande comment c'est possible dans